De toute évidence, deux voitures ne peuvent pas se croiser dans cette rue. Je suis dans un sens unique. Le stationnement se fait à gauche. Les figurines pour bandes cyclables à l'envers indiquent que des cyclistes peuvent circuler à contresens. Bien entendu, je peux aussi rencontrer des cyclistes dans ce sens. Réponse A et C.